Chapitre 12. Pendant que Cyril déjeunait avec les domestiques, Madame Goron s'habillait dans la chambre, au-dessus de la cuisine. Elle l'appela. « Tu sais que je m'habille pour aller jusqu'à Jumièges ? Quoi que tu vas faire ?»« C'est pour voir si le notaire a reçu l'argent de la ferme, et puis pour leur demander un reçu. »« Bon, dit Cyril, mais fais bien attention à ce que tu vas arranger avec lui. »« Mais répondit-elle, je ne vais rien arranger de définitif. » Il m'a dit l'autre jour qu'il faudrait que tu signes des papiers. Comme tu ne peux pas y aller, il en sera quitte pour se déranger. V'là tout. Il passera le bac du père Cendré avec ses papiers. Ah bien, dit Cyril. Si c'est comme ça, j'irai bien jusqu'au bord de l'eau. Ces gens-là, ça n'aime pas trop à se déranger, tu sais. Inutile qu'ils viennent jusque chez nous. S'il est là, dis-lui que je serai à t'attendre sur la berge. Bon, répondit-elle, mais tu vas faire un bout de toilette. Suis-tu pas bien comme ça, s'exclama-t-il. C'était une de ses manies de vouloir garder toujours sur lui ses vieux vêtements. Pourtant il se fit beau, remplaça par un veston gris la blouse bleue qu'il portait depuis qu'ils habitaient la ferme, et sa casquette par un chapeau de feutre mou à larges ailes. Puis ils partirent à travers les cours pour arriver plus vite, enjambant les échaliers pratiqués dans les haies. Il ne disait mot. Lui s'arrêtait de temps en temps, essoufflé, s'épongeant le front avec son large mouchoir de cotonnade rouge et jaune. « Quelle rude côte, dit-il. »« Bah, tu ne la monteras plus souvent, répondit-elle. » Arrivé au sommet, ils redescendirent l'autre versant. Elle lui dit son projet de retourner à Jumièges. Elle se moquait pas mal de l'opinion des gens. On y pensera d'ailleurs plus au bout d'un mois. Le père Cendré lui avait dit que le médecin ne faisait pas ses affaires dans le pays. Il ne plaisait pas. On le trouvait fier. Et puis, c'était un singulier médecin tout de même. Quand on l'appelait pour un malade, il venait. Regardait et disait toujours « Un peu de repos, mangez bien, ne changez rien à vos habitudes, ça ne sera rien. » A-t-on idée de ça? Il ne faisait jamais d'ordonnance, c'est que probablement il ne savait pas. Et de l'avis de tous, il serait forcé de s'en aller. Il prenait déjà à crédit chez tous ses fournisseurs. Eh bien, au premier billet, s'il ne payait pas recta, l'affaire était nette. Elle le ferait saisir et la maison leur reviendrait à bon compte. Ils auraient presque autant de rente que par le passé. Moins de tracas. On oublierait la mauvaise aventure de la ferme. Car elle convenait maintenant n'avoir pas eu une très bonne idée, ni surtout bonne chance. Cyril, étonné de voir qu'il n'aurait pas trouvé cela tout seul, avouait que décidément sa femme était précieuse. C'était bien elle qui l'avait mis dans l'embarras. Mais elle l'en tirait. Il n'avait rien à dire. Mais c'était bien ennuyeux d'être forcé de faire encore le voyage par Rouen pour retourner à Jumièges. Madame Goron lui dit... « À quoi penses-tu donc ?»« Moi, à rien. »« Ça ne te plaît pas, ce que je viens de te dire ?»« mais si, tu sais bien que je te laisse toujours faire comme tu veux. »« Et je ne le fais pas bien, peut-être ?» Par bonheur, le père Cendré se trouvait avec sa barque de ce côté de la Seine. Madame Goron y monta, laissant sur la berge Cyril, qui regardait s'éloigner sa femme. Cela lui rappela le temps où, sur l'autre bord du fleuve, il la voyait partir pour surveiller les travaux de la ferme. Son ancienne demeure était là-bas, derrière une ligne de peupliers qui lui en cachait toute une moitié. Il ne pouvait en détacher ses yeux, où perlaient des larmes d'attendrissement, à la pensée qu'il allait bientôt y revenir, vivre de la vie d'autrefois, si tranquille et exempte de soucis. Des bateaux passaient. C'étaient de grands steamers à vapeur, chargés de coton, qui remontaient à Rouen. Leurs flancs, peints en rouge cru, était reflété dans l'eau que faisait bouillonner le tournoiement de l'hélice. Puis des trois mâts, voile pliée que traînait un remorqueur crachant des nuages de fumée noire. Et ensuite des yachts étroits et longs, d'où partaient des bruits de voix joyeuses. On s'amusait là-dedans. Quelques barques que montaient des gamins de Jumièges allaient et venaient. Cyril se demanda à quel plaisir éprouvait la moitié de ces gens-là, à naviguer, et plaignit l'autre moitié d'avoir à le faire pour gagner le pain quotidien. Sa femme tardait à revenir. Il poussa jusqu'à un cabaret où il l'attendrait en vidant un pot de cidre. Il la verrait venir de loin. Cyril s'était assis devant la porte du cabaret et vidait la bouteille en causant avec le patron de l'établissement. « C'est du maître cidre, disait ce dernier. « Oh, avec un petit baptême, répondait Cyril en clignant de l'œil. « Non, parole d'honnête homme, il est tel qu'il est sorti du pressoir. C'est donc qu'il a rudement plu l'an dernier, sans que je m'en sois aperçu, et que les pommes étaient pleines d'eau. » « Ça ne fait rien, répliquait le patron, il monte à la tête. » Une heure s'était passée sans que revînt Madame Goron. Cyril s'en émut. Qu'avait-il pu arriver? Buvez donc par là-dessus une petite goutte. Ça vous tranquillisera, dit le cabaretier, à qui Cyril faisait part de son inquiétude. Un carafon d'eau de vie de cidre fut apporté. Et quand Cyril en eut bu deux verres, il se leva un petit tuban pour aller lâcher de l'eau. Où que vous allez, dit le cabaretier. Quelque part où le roi n'envoie pas ses ministres. Je m'en vais dans un coin de votre jardin. C'est pas la peine de vous promener si loin. Allez jeter ça à la rivière, vous ne la ferez pas déborder. Cyril traversa la chaussée et se planta sur la berge, face à la Seine. Comme il se tenait là, les deux mains occupées, il reçut un coup sur l'épaule. Croyant à une plaisanterie du cabaretier, il ne se détourna pas. Un second coup lui étant donné, il entendit « Maître Cyril, Maître Cyril !» La voix sourde et comme funèbre le fit tressaillir. Il se retourna et vit le père cendré. « Ah, que tu m'as fait peur, sacré matin! Eh bien, et ma femme? Tu ne me l'as pas ramenée? Je ne t'ai pas vu traverser la rivière. » Ses yeux étaient pleins d'eau. C'était l'effet que lui produisait l'absorption de l'eau de vie de cidre. Il aurait été incapable de voir, à 10 pas, les objets autrement que brouillés. Le père cendré ne répondait rien. Avec un air embarrassé, il regardait Cyril qui hoquetait en disant « Son petit cidre monte à la tête, il avait raison. » Et son regard était plein de tristesse apitoyée. « Mais quoi que t'as à me regarder comme ça, dit Cyril. Il y a qu'il vous arrive un grand malheur, répondit le père cendré. « Quoi? Où est ma femme ?»« Madame Goron est chez le médecin, qui la soigne, comme qui dirait d'un haut mal. Elle pousse des cris, elle pleure, bref, elle est bien malade. »« Qu'est-ce qu'elle a ?» cria Cyril. « Je ne sais pas, mais quand je l'ai passée de l'autre côté, elle m'a dit qu'elle allait chez le notaire, chercher des papiers et de l'argent, pas ?»« Oui, eh bien. » »« Eh bien, quand nous avons débarqué, on lui a dit que le notaire avait filé depuis ce matin, en laissant une lettre où il disait qu'il s'en allait à l'étranger. Il a joué à ce qu'il paraît, il avait des cocottes au Havre, et puis à Rouen, tout ça c'était de l'argent au pauvre monde. Elle est allée chez le notaire ?»« Oui, j'y ai couru avec elle. Tous les volets étaient fermés. » C'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Ma commission est faite. C'est le médecin qui m'a dit de venir vous raconter ça. Je m'en retourne voir si votre femme va mieux. » Cyril ne répondit rien. Il restait debout sur la berge. Une rougeur violente lui montait au front. Le père cendré dans sa barque s'éloignait. Un bruit de chute dans l'eau le fit se retourner. Il ne vit plus Cyril à l'endroit où il l'avait quitté. Alors il revint, à force de rames, à l'endroit où de grands ronds s'étaient formés sur la nappe. La Seine est profonde à cette place. Une des plus dangereuses du pays. Rien ne remonta à la surface. Il appela au secours. Le cabaretier accourut, puis, mis au fait, alla chercher un croc chez un pêcheur de ses voisins. On chercha longtemps. Au bout d'une demi-heure, le père cendré ramena le corps de Cyril Goron. Il avait sans doute été pris d'une attaque d'apoplexie qui l'avait fait tomber sur le sol et de là rouler dans l'eau. Les méchantes langues commençaient à parler de suicide.